je gronde encore, je me suis fait tout petit dans le lit des parents, papa est parti. La petite fille en peinture accrochée sur le mur, flashée par les éclairs, a perdu la jambe. C'est ennuyeux, c'est douloureux d'être une petite fille sans sa jambe. L'orage gronde encore, je me suis fait tout petit, papa est parti dormir dans mon lit. J'espère qu'il n'est pas serré, qu'il y est bien entré. Il est tellement grand, il doit être tout plié. Il est vrai qu'avec mes sœurs, on était cinq dans le lit. L'orage gronde encore sur le mur, une nature morte. Un pot avec des fleurs me fait très peur. Les tableaux décidément de la chambre des parents sont bien plus terrifiants que l'inclémence du temps. Je me blottis dans les draps, rien n'arrivera, maman est là.